pages, une tache à l'encre noire, est-ce un mauvais présage ou un trou de mémoire? Oh oh, qui sait, qui sait? C'est comme tous ces mots qu'on jette sur une feuille blanche, quand le cœur est trop gros, la grisaille d'un dimanche. Oh, la lueur de la chandelle qui danse et vole à l'air libre. Je me souviens d'elle comme d'un écho qui vit. Elle ne sert de crier, mais comme vocal ont trop donné, tous mes mots me rattrapent et la musique m'échappe. Tant que je tiendrai ma gratte, rembourser leur tronche d'homéopathe. Ma vie c'est pas les Carpates, mais rien de vos sabots délicates. Oh oh, yeah yeah, yeah yeah. À la lueur de la chandelle qui danse et vole à l'air libre, je me